crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. Stern a chez lui un tableau représentant Mola, nu. Il y a une loi dans cet état qui interdit d'accrocher des tableaux au mur. Non, mais c'est le portrait d'une jeune fille qui a été assassinée. Harry, je vais vous poser la question une dernière fois. Avez-vous tué Nola ? Mais bien sûr que non, nom de Dieu ! Alors nous le prouvons. Je savais que vous étiez l'homme de la situation. Merci, Bernaski. Mais attention, ce sont seulement mes notes. Certains éléments ne doivent pas être publiés. L'inscription, ce n'est pas l'écriture de Harry. Ce n'est pas lui qui a écrit ce mot sur le manuscrit. Ne dites rien. Regardez simplement ce que vous avez fait. À mon avis, quelqu'un a transmis des copies de vos notes à toute la presse nationale qui, évidemment, s'apprête à les diffuser. Merde, Roy, c'est pas possible, c'est pas vrai. Écoutez, Marcus, j'ai bien peur que dès demain, tout le pays prenne connaissance du contenu de votre bouquin. Ne me dites pas que vous êtes assez con pour croire aux salades de Bernaski. Je peux vous assurer qu'il a lui-même copié et envoyé vos foutues pages à travers tout le pays. Quoi, mais je crois que j'aurais préféré ne jamais vous rencontrer. Maintenant, foutez le camp, vous êtes chez moi et vous n'êtes plus le bienvenu. C'est pas le moment de rentrer chez vous, l'écrivain. La maison de Harry a brûlé. Je sais. C'est pour ça que je suis là. Vous pouvez pas rentrer à New York. Pourquoi ? Parce que vous êtes un type courageux. De toute ma carrière, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi tenace. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, de Joël Dicker. Adaptation Sophie Lemp. Réalisation Pascal Deux. Septième épisode. Harry s'était installé au Seaside Motel. Quant à Marcus, il aurait pu choisir de rentrer à New York, mais il décida de rester dans le New Hampshire. Je pris une suite à l'hôtel Regents de Concorde. J'avais 6 semaines pour inverser le cours des choses et faire de mon livre un bon livre. Il était temps de devenir l'écrivain que je voulais être. Je me consacrais à mon texte le matin et l'après-midi, je travaillais sur l'affaire avec le sergent Gallowood, qui avait fait de ma suite une annexe de son bureau. On reprit toute l'enquête depuis le début, relisant les rapports de police, étudiant les déclarations de tous les témoins de l'époque. On dessina une carte d'Aurora et des environs, calculant toutes les distances, de la maison des Kellergan à Guskov, de Guskov à South Creek Lane. Gallowood se rendit même sur place pour vérifier tous les temps de trajet et les délais d'intervention de la police locale à l'époque des faits. On peut difficilement remettre en cause le travail du chef Pratt. Hein. Malgré l'impasse qu'il a faite sur Harry Kéber et Elias Stern, il a mené l'enquête avec un grand professionnalisme. Si le message sur le manuscrit n'a pas été écrit par Harry, pourquoi le meurtrier aurait enterré Nola à Guskov ? Pour être tranquille, sans doute. Harry avait raconté à tout le monde qu'il quittait Aurora pour quelque temps. Harry, un peu de café ? Non, merci. Non, faut que j'arrête là. Alors, selon vous, le meurtrier savait qu'il n'était pas chez lui ? Possible. Mais ce qui est tout de même surprenant, c'est qu'à son retour, Harry n'ait pas remarqué qu'on avait creusé un trou juste à côté de la maison. Il n'était pas dans son état normal. Il était dévasté. Il faisait qu'attendre Nola. Ouais. Largement de quoi ne pas remarquer un peu de terre retournée, surtout à Guskov. Dès qu'il pleut, le terrain devient complètement boueux. Accordé. Le meurtrier sait donc que personne ne viendra le déranger à Guskov. Et puis, si jamais on retrouve le cadavre, qui sera accusé ? Harry. Bingo, l'écrivain. Mais pourquoi ce mot ? Pourquoi écrire « Adieu, Nola, chérie » ? Ça, c'est la question à 1 million de dollars. Ah, mais des questions, il en reste d'autres. Tenez, regardez. Elias Stern, pourquoi paye-t-il Nola pour la faire peindre ? Quel mobile ? Luther Caleb, pourquoi peint-il Nola ? Pourquoi rôde-t-il à Aurora ? David et Louisa Kellergan, ont-ils battu leur fille trop fort ? Pourquoi ont-ils caché sa tentative de suicide et sa fugue ? Chef Garrett Pratt, pourquoi Nola a-t-elle eu une relation avec lui ? Tamara Quinn, qui s'est emparée du feuillet disparu ? Et qui a écrit les lettres anonymes à Harry ? Et qui sait depuis 33 ans et n'a jamais rien dit ? Qui a mis le feu à Guskov ? Qui redoute de voir l'enquête bouclée ? Plus on avance, moins j'y vois clair, l'écrivain. Je crois qu'il y a un élément central qui relie ces gens et ces événements. C'est la clé de l'enquête. Si nous trouvons le lien, nous tenons le coupable. Une semaine après avoir quitté Guskov, un soir, Marcus décida d'aller voir Harry au Seaside Motel. Il le trouva assis sur une chaise en plastique devant la chambre 8. J'avais besoin de vous voir, Harry. Vous dire combien je suis désolé pour toute cette histoire. Soda ? Volontiers. La machine est au fond du couloir. C'est ce que vous m'avez dit la première fois que je suis venu à Gouskov. J'étais en deuxième année d'université. Vous aviez fait de la citronnade. Vous m'avez demandé si j'en voulais, je vous ai dit oui. Et vous m'avez répondu d'aller me servir dans le frigo. C'était la belle époque. Oui. Qu'est-ce qui a changé, Marcus ? Rien. Tout, mais rien. Nous avons changé, le monde a changé. Le World Trade Center s'est écroulé, l'Amérique est partie en guerre. Mais le regard que je porte sur vous est toujours le même. Vous restez Harry. Vous restez mon maître. Ce qui a changé, Marcus, c'est ce combat entre le maître et l'élève. Nous ne combattons pas. Si. Je vous ai appris à écrire des livres et regardez. Vos livres me nuisent. Je n'ai jamais voulu vous nuire, Harry. Nous retrouverons celui qui a brûlé Gouskov, je vous le promets. Ça ne me rendra pas les 30 ans de souvenirs que je viens de perdre. Toute ma vie partie en fumée. Pourquoi vous avez raconté ces horreurs sur Nola ? Vous êtes jeune et beau, Marcus. Allez vous marier, bon sang, allez vivre. J'ai une enquête à terminer. Au diable, votre enquête ! Vous ne voulez pas savoir qui a tué Nola ? Vous le savez ? Non. Mais les pistes se resserrent. Nous avons encore des témoins à interroger à Aurora. Je ne peux plus aller là-bas. Je ne peux plus regarder ces gens en face et leur dire que j'aimais Nola. Que je lui ai écrit un livre. Votre livre est un beau livre. J'aime les origines du mal. C'est vous qui m'avez donné envie de devenir écrivain. Ne dites pas ça, Marcus. C'est la vérité. C'est probablement le plus beau livre qu'il m'était donné de lire. Par pitié, taisez-vous ! Harry, je veux écrire un livre qui défende le vôtre. Je ne peux pas laisser les gens le salir. Vous savez cet épisode de la citronnade ? Quand j'ai ouvert ce frigo vide, j'ai compris votre solitude. Vous avez écrit la solitude de manière spectaculaire. Vous êtes un immense écrivain. Arrêtez, Marcus ! Et la fin, vous renoncez à Nola, elle a disparu pour toujours, vous le savez, et pourtant vous l'attendez malgré tout. La seule question concerne le titre. Pourquoi en avoir donné un aussi sombre à un livre aussi beau ? C'est compliqué. Je suis là pour comprendre. C'est trop compliqué. Je ne sais pas si je pourrais vous pardonner. Me pardonner ? Mais je reconstruirai Gouskov. Je paierai tout. Avec l'argent du livre, nous reconstruirons votre maison. Vous ne pouvez pas saborder notre amitié comme ça. Mais vous ne comprenez rien ! Ce n'est pas à cause de vous ! Rien n'est de votre faute ! Et pourtant, je ne peux pas vous pardonner. Mais me pardonner quoi ? Je ne peux pas vous le dire. Vous ne comprendriez pas. Enfin, Harry, pourquoi ces devinettes ? Dites-moi ce qui se passe. Vous vous souvenez, quand vous étiez mon étudiant, je vous ai dit un jour, n'écrivez jamais un livre si vous n'en connaissez pas la fin. Oui, bien sûr, je m'en souviens. Je m'en souviendrai toujours. La fin de votre livre, comment est-elle ? C'est une belle fin. L'homme qui a attendu l'héroïne pendant 30 ans se remet à vivre. Le vendredi 18 juillet 2008, Marcus se rendit avec le sergent Gaalowood à Portland, dans le Maine, chez la sœur de Luther Caleb, Sila. C'était la seule piste qu'il n'avait pas encore véritablement explorée. Alors c'est vrai tout ça ? Tout ce qu'on raconte sur cette pauvre gamine à Aurora ? Oui, la presse a un peu déformé l'ensemble, mais les faits sont exacts. Vous savez, sergent, je me rappelle très bien le jour où mon frère est mort. C'était un vendredi de la fin septembre. Je venais de fêter mes 21 ans. Je me souviens bien du téléphone qui sonne, de ma mère qui décroche, et nous murmure aussitôt, c'est la police. À l'autre bout du fil, un officier lui annonçait la mort de son fils. Que s'est-il passé ? Un accident de voiture. Une chute de 20 mètres depuis les falaises de Sagamore, dans le Massachusetts. On dit qu'il était ivre. C'est une route sinueuse qui n'est pas éclairée la nuit. Quel âge avait-il ? 30 ans. Il avait 30 ans. Mon frère, c'était un homme bien, mais... Vous savez, je suis contente que vous soyez là tous les deux. Je crois qu'il faut que je vous raconte quelque chose qu'on aurait dû raconter il y a 33 ans. Le samedi 30 août 1975, toute la famille avait prévu d'aller dîner au restaurant pour mon anniversaire. On avait rendez-vous à 18h. À 19h30, Luther n'était toujours pas là. Il n'est jamais arrivé. On n'a pas réussi à le joindre. On était très inquiets. Le lendemain, mon père a téléphoné à Elias Stern, qui lui a appris que Luther avait pris un congé. Ça ne lui ressemblait pas. Le soir, j'ai entendu mon père dire à ma mère « Je crois que Luther a fait une énorme connerie. » Il m'a ordonné de ne parler à personne de sa disparition. Il voulait le retrouver. Il l'a cherché pendant 3 semaines, jusqu'à l'accident. Et pourquoi votre père pensait-il que Luther avait fait une connerie, Madame Mitchell ? C'est pas facile. Même après 30 ans. Avant, nous étions tellement heureux. Avant quoi ? Avant l'agression. Quelle agression ? Je ne suis pas au courant. Ça s'est passé un soir de septembre 1964. Il était environ 22 heures. Luther revenait d'une soirée chez sa fiancée, Eleanor. Sur le chemin, il a été agressé par une bande de voyous qui sévissaient dans la région, les Field Goals. Ils l'ont passé à tabac. Ils lui ont donné dans le visage des coups de pied d'une violence inouïe. Et puis ils l'ont laissé pour mort sur le bord de la route. C'est un motard qui a alerté les secours 40 minutes plus tard. Après quelques jours de coma, Luther s'est réveillé. Il est sorti de l'hôpital au bout de 2 mois. Avec le visage tordu et des difficultés à parler. Eleanor a rompu leur fiançaille. Pendant 2 ans, il est resté prostré. Il ne peignait plus, n'avait plus aucun projet. Et puis il a rencontré Elias Stern, qui l'a engagé comme chauffeur. Grâce à lui, il est redevenu quelqu'un. Il avait un travail, une paye. Et grâce à lui, il s'est remis à peindre. Madame Mitchell, revenons au soir du 31 août 75. Pourquoi, selon vous, votre père pensait que Luther avait fait une connerie ? Au début du mois d'août, Luther a confié à mon père qu'il était amoureux. Il lui a dit que cette jeune fille, Nola Kellergan, l'aimait aussi. Qu'il allait bientôt pouvoir nous la présenter. Le 31 août 1975, après avoir appelé Elias Stern, mon père est allé faire un tour à Aurora et a appris ce qui était arrivé à Nola. En rentrant chez nous, il était bouleversé. Il nous a dit que jamais personne ne devait faire le lien entre Luther et la jeune fille. Vous êtes en train de nous dire qu'il pensait que votre frère avait quelque chose à voir avec l'enlèvement de Nola ? Il avait un comportement étrange avec les femmes. Il aimait les peindre, surtout les femmes blondes. Je sais qu'il lui arrivait de les dessiner en cachette, dans les lieux publics. Alors oui, je pense qu'il a pu se passer quelque chose avec cette jeune fille. Mon père pensait qu'elle s'était refusée à lui, que Luther avait pété les plombs. Et l'avait tué. Vous auriez un document avec l'écriture de votre frère ? Il y a son carnet de jardinage avec les indications pour la taille des rosiers. Il s'en occupait chez Stern. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. Mais je pourrais l'emporter. Il faudrait que je puisse faire expertiser son écriture. Oui, bien sûr. Le lundi 21 juillet, Marcus retourna voir Harry au Seaside Motel. Il était devant la porte de sa chambre, torse nu, et il boxait, seul. Boxons, Marcus. Il faut que je vous parle. Nous parlerons en boxant. Ce n'est plus que ça, la boxe. Pourquoi vous êtes venu ? Pour vous voir. Et pourquoi vous vouliez me voir ? Mais parce que nous sommes amis. Justement, Marcus, c'est ça que vous ne comprenez pas. Nous ne pouvons plus être amis. Qu'est-ce que vous racontez, Harry ? La vérité. Je vous aime comme un fils, et je vous aimerai toujours. Mais à l'avenir, nous ne pourrons plus être amis. Pourquoi ? À cause de la maison ? Je vous ai dit que je paierais. Vous ne comprenez toujours pas. C'est pas à cause de la maison. Allez, tenez votre garde, Marcus ! Si ça avait été votre tête, je vous assommais. Mais j'en ai rien à foutre de ma garde. Je veux comprendre ce que signifie ce petit jeu. Ce n'est pas un jeu. Le jour où vous comprendrez, vous aurez résolu toute cette affaire. Mais de quoi parlez-vous ? Je vous ai tout dit, Marcus. La vérité est entre vos mains. Je ne comprends pas. Je sais. Mais quand vous aurez compris, tout sera différent. Vous vivez une étape cruciale de votre vie. Pourquoi dites-vous que nous ne pouvons plus être amis ? Les livres nous ont unis, et maintenant ils nous séparent, c'était écrit. Comment ça ? Tout est dans les livres. J'ai toujours su que ce moment viendrait. Mais quel moment ? Le livre que vous êtes en train d'écrire. Quoi ? Vous voulez que j'y annonce ? Vous voulez qu'on annule tout ? Eh bien très bien, c'est annulé, plus de livres, plus rien ! Ça ne servirait malheureusement à rien. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter, Harry ? Je ne comprends rien. Vous allez écrire ce livre, et ce sera un grand livre, Marcus. J'en suis très heureux. Surtout, ne vous méprenez pas. Mais nous arrivons au moment de la séparation. Un écrivain s'en va, un autre naît. Vous allez prendre la relève. Vous allez devenir quelqu'un de très grand. Je l'ai toujours su. Mais merde, Harry ! Qu'est-ce que vous essayez de me dire ? La clé est dans les livres. Elle est sous vos yeux. Regardez. Regardez bien. Vous voyez où nous sommes ? Devant la chambre d'un motel ? Non, Marcus. Nous sommes aux origines du mal. Voici plus de 30 ans que je redoute ce moment. Je comprenais toujours pas ce qu'Harry essayait de me dire. Malgré tout, mon livre avançait. Je sentais revenir en moi ce sentiment indescriptible que je croyais perdu à jamais. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton dans mon cerveau et qu'il m'avait redonné vie. C'était la sensation des écrivains. Mes journées débutaient avant l'aube. Je partais courir, traversant Concorde avec dans mes oreilles les enregistrements de mon lecteur de mini-disques. Puis de retour dans ma chambre, je commandais un litre de café et je me mettais au travail. Lorsqu'un chapitre était complet, je l'envoyais à Douglas pour avoir son avis. Je suis accro, Marcus. Il y a un de ces putains de suspense. Ça me rend fou de devoir attendre la suite à la fin de chaque chapitre. C'était drôle de voir combien il s'investissait dans ce livre. On va casser la baraque, je te le dis. Vraiment, tu crois ? Bah, je t'ai toujours dit la vérité, non ? Continue comme ça. Respecte juste le délai de Barnaski et crois-moi, on pourrait bien avoir le Pulitzer. Goldman, écoutez, il faut que vous preniez un nègre pour rédiger votre bouquin. Vous n'y arriverez jamais, sinon. J'ai des équipes qui sont là pour ça, vous leur donnez les grandes lignes et ils écrivent à votre place. Jamais de la vie. C'est à moi d'écrire ce livre. Oh, Goldman, vous me fatiguez avec votre morale et vos bons sentiments. Tout le monde sait écrire ses livres par quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et pas moi. Bon, écoutez, il me semble que je vous ai versé $1 million pour ce foutu bouquin. J'aimerais donc que vous soyez un peu plus coopératif. Si je pense que vous avez besoin de mes équipes, on va les utiliser. Bordel de merde ! Calmez-vous, Roy. Vous aurez le livre à temps. À condition que vous arrêtiez de m'interrompre dans mon travail en me téléphonant sans arrêt. Goldman, sacré nom de Dieu. J'espère que vous êtes conscient qu'avec ce livre, j'ai mes couilles sur la table. Vous entendez ? Mes couilles sur la table ! J'ai investi énormément de pognon. Je joue la crédibilité d'une des plus grosses maisons d'édition de ce pays. Alors si ça se passe mal, s'il n'y a pas de bouquin à cause de vos caprices ou de je ne sais quelle autre merde, eh bien, si je dois couler à pic, je vous entraîne avec moi jusqu'au fond. C'est bien clair ? Roy Barnaski avait du talent pour le marketing. Quelques jours après l'incendie de Goose Cove, il avait déclaré à la presse que quelqu'un voulait à tout prix faire taire Marcus. Dès le lendemain, le New York Times titrait « Qui veut la peau de Marcus Goldman ?» La mère de l'écrivain qui avait lu l'article s'empressa de lui téléphoner, paniquée. « Pour l'amour du ciel, Marquis, où es-tu ?»« À l'hôtel Regents de Concorde, suite 208. »« Mais tais-toi ! Je veux pas le savoir !»« Mais enfin, maman, c'est toi qui viens de me le demander !»« Si tu me le dis, je ne pourrai pas m'empêcher de le dire au boucher, qui le dira à son commis, qui le répétera à sa mère !» Bientôt, tout mon clair saura que mon fils est dans la suite 208 au Regents de Concorde. Et celui qui veut ta peau viendra t'égorger dans ton sommeil. Oh, Marcus. Ton père et moi avons tellement peur de ce criminel qui te poursuit. Personne ne me poursuit. La presse exagère. Tous les matins et tous les soirs, je regarde dans la boîte aux lettres. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi ? À cause des bombes. Enfin, maman, je ne pense pas que quelqu'un ira mettre une bombe chez vous. Figure-toi que l'autre jour, ton père a été suivi par une grosse voiture noire jusque devant la maison. Il s'est précipité à l'intérieur. La voiture est allée se garer juste à côté, dans la rue. Quoi ? Mais vous avez appelé la police ? Bah, évidemment. Deux voitures sont arrivées, sirène hurlante. Et ? Eh bien, en fait, c'était les voisins. Ils ont acheté une nouvelle voiture sans même nous prévenir. Tout le monde dit qu'il va y avoir une immense crise économique et eux, ils achètent une nouvelle voiture. C'est pas suspect, ça ? Ça sent le trafic de drogue, non ? Mais enfin, maman, qu'est-ce que tu racontes ? Je sais ce que je dis. Et ne parle pas comme ça à ta mère qui risque de mourir d'une minute à l'autre dans un attentat à la bombe. Et ton livre ? Tu en es où ? Ça avance bien. Ah. Je dois rendre le manuscrit dans 4 semaines. Ah. Et comment ça se finit ? C'est mon seul problème. Je sais toujours pas comment le livre se termine. C'était « La vérité sur l'affaire Harry Kébert » de Joël Dicker. Avec Florent Shepp, Frédéric Pierrot, Éric Arson-Macarel, Andrea Ferréol, Luce Mouchel, Bruno Abraham Kremer, Joanna Nizar. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Bertrand Amiel. Musique originale, Damien Salençon. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. La vérité sur l'affaire Harry Kébert, de Joël Dicker, adaptée par Sophie Lemp, a été publiée aux éditions de Fallois.